t'aime plus fort que la Voie lactée. Oh oh oh oh oh. Je t'aime comme un pingouin en été. Oh oh oh oh oh. Ouh, mais je me vois pas t'embrasser dans le noir. Ouh, car tu restes au lit fond blanc. Oh yeah. Plus fort que la Voie lactée. Oh oh oh oh oh. Je t'aime aussi fort que je te hais. Oh oh oh oh oh. Ouh, même si je passe des mois à souffrir pour des tocards. Ouh, toi tu restes. Tony, tu sais, peut-être même autant que les autres.